Selon les médias sud-coréens, les victimes sud-coréennes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise et leurs familles, les étudiants, les citadins et les parlementaires de l'opposition ont tenu à Gwangju de la province du Gyeonggi la cérémonie à la mémoire des victimes mortes. Les orateurs ont dit « Le peuple exige les excuses officielles et la compensation juridique du gouvernement criminel japonais. Il faut annuler l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel avec le Japon. »